les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Molière et Racine, deux amis, du moins jusqu'à leur dispute, et ils ne se réconcilieront jamais. Que sait-on du jeune Racine? Qu'en savait la comédienne Béatrix Dussane, actrice, sociétaire de la Comédie française, célèbre professeur d'art dramatique et excellente conférencière? Que disait-elle du naturel rude et piquant de ce jeune homme qui s'appliquait à plaire, un minimum, lorsque l'on débute? Que pensait-elle de cet homme, selon Boileau, railleur, inquiet, jaloux et voluptueux? Que racontait-elle de la fameuse rivalité des deux troupes? Écoutons-la pour le savoir. Elle, Béatrix Dussane, ainsi que le firent les auditeurs de l'Université des Annales et ceux de France Culture, le 4 janvier 1965. Mesdames, Messieurs, j'ai pensé que vous accepteriez avec bonne humeur de célébrer avec moi les débuts, la naissance au théâtre de Jean Racine sous le parrainage de Molière. C'est assez joli, et puis il faut se dépêcher parce que vous verrez, la conjonction des deux astres ne durera pas longtemps et la brisure sera définitive et irrémédiable. Je vous rappelle les antécédents de Racine, orphelin, pauvre, sans relation et recueilli par les solitaires de Port-Royal et dans leur maison d'enseignement et d'éducation parce qu'il était, sa grand-mère était apparentée d'assez près aux religieuses et aux solitaires de Port-Royal. Racine doit tout à Port-Royal, sauf le génie qu'il avait apporté en naissant, bien sûr. Port-Royal a formé son caractère, a meublé son intelligence et son esprit. Il sort de là, tout jeune encore, mais possédant le latin comme sa langue maternelle, mais cela était encore très fréquent à l'époque, mais sachant par-dessus le marché éminemment le grec, ce qui était déjà plus rare. Les familiers de Racine se rappellent qu'il était tout à fait capable, au cours d'une conversation, de prendre un volume de Sophocle et de leur lire Édipe à livre ouvert en grec. Il est pauvre, il est sans attache, et il lui a fallu donc aussi apprendre à Port-Royal la soumission et à dompter les véritables tendances de son caractère. Ses maîtres disaient de lui, déjà à ce moment-là, qu'il était d'un naturel rude et piquant. Et nous le retrouvons toujours, ce naturel rude et piquant. Mais enfin, il s'est formé, il s'est brisé, il s'est assoupli, car il est pauvre, encore une fois, sans attache. Il faudra faire qu'il fasse son chemin dans la vie par lui-même. Il lui faut plaire. Dieu merci, il s'y entend. Il s'y entend par nature et il s'y applique par méthode. Et le voilà, autour de ces années 60-61, qui plaît chez le duc de Chevreuse, où son oncle Vitard l'a amené. Vitard est un peu intendant chez le duc de Chevreuse, et Racine va l'aider dans mille choses du gouvernement des propriétés. Et Vitard, d'ailleurs, le mettra en relation avec beaucoup de gens importants, comme vous verrez tout à l'heure. Il plaît chez Chapelain. Chez Chapelain, le pauvre mauvais poète Chapelain, grand poète officiel, grand dispensateur des largesses royales, qui était encore quelque chose de tout à fait inédit, qui n'était pas encore mis en train. C'était la première fois que, officiellement, l'État allait s'occuper, car vraiment c'était l'État, allait s'occuper d'encourager les auteurs et les poètes. Donc il plaît chez Chapelain, il lui apporte une ode aux nymphes de la Seine qu'il polie et repolie sur les indications de Chapelain, qui le prend déjà en bienveillance. Il plaît dans les compagnies galantes, aux femmes, parce qu'il est beau et parce qu'il madrigalise bien, et aux hommes, parce qu'il a du talent, il est intelligent, il a de l'esprit et, chose majeure, il sait écouter. Seulement à plaire ainsi d'entendre droit et à attendre et à jeter des jalons pour une future carrière, comme il n'a pas d'argent, il fait des dettes. Aussi, Racine, qui est très, très avisé, encore une fois, qui a l'intelligence de sa carrière, Racine va se mettre à faire l'équivalent d'une stratégie de prix Goncourt. Ou plus exactement, pour lui, je devrais dire, de prix Fémina. Car, avec une surdocumentation de la manière dont les choses se faisaient à cette époque reculée et dont elles ne se font plus jamais, il essaye d'entrer en relation avec des actrices qui ont des relations elles-mêmes en leur faisant espérer un beau rôle qu'il va écrire pour elles. Croyez-vous, hein, comme on était au XVIIe siècle. Heureusement qu'il y a eu la Révolution française. Alors, deux fois en un an, c'est assez curieux, deux fois en un an, nous le voyons reproduire la même démarche. D'abord, il pense au théâtre du Marais, qui est un peu éclipsé, mais enfin qui garde ce relief et ce lustre d'avoir créé les grands chefs-d'œuvre de Corneille. Et nous le voyons au cours d'une lettre à un de ses amis, c'est tout ce que nous en savons. Nous le voyons intéresser à son sort une mademoiselle Rost. Cette mademoiselle, elle est dans aucun annuaire, on ne sait d'elle que cela, que Racine un jour lui a fait espérer un rôle. Enfin, ça a suffi pour que nous sachions encore son nom. Et il lui destine une tragédie appelée Amasis, que nous n'avons pas non plus, Racine ne l'a pas conservée, l'avait-il même complètement écrite, nous n'en savons rien. C'est justement son oncle Vitard qui avait arrangé la chose, et on peut se demander si mademoiselle Rost ne tenait pas, par l'un ou l'autre de ses jolis doigts, à quelqu'un de la puissante maison de Chevreuse, ce qui expliquerait bien des choses. En tout cas, on se dit, eh bien, on va inviter des gens du comité de lecture et leur lire la pièce. J'exagère, il n'y avait pas de comité de lecture dans ces temps reculés. Mais les troupes étaient peu nombreuses et n'avaient pas le moyen d'avoir, en marge de leur activité, une solide administration technique comme elles ont maintenant, particulièrement au théâtre français. Non. Les comédiens faisaient tout. Il y avait généralement dans la troupe un ou deux comédiens, comme a été Lagrange chez Molière d'ailleurs, qui se trouvaient avoir plus particulièrement du sens administratif, de l'ordre, du goût, et qui prenaient en charge ses besoins. Il y avait au Marais un comédien qui s'appelait Larocque, qui n'était, paraît-il, pas un très bon comédien. Ça arrive aussi. Enfin, il n'était pas un très bon comédien, mais... Il se chargeait de faire les comptes, il se chargeait de faire l'emploi du temps, il se chargeait de faire la discipline, enfin il était à la fois administrateur, caissier, contrôleur général, secrétaire général car il faut communiquer avec le public, et en plus, comité de lecture à lui tout seul. C'était à lui, à son jugement, qu'on s'en remettait pour le choix des pièces qu'on allait monter. On fait donc venir Larocque et Racine, je pense que ça a dû se passer chez l'oncle Vitard, ou chez mademoiselle Rost, Racine lit quelques fragments de son Amasis. Et il arrive alors, ce qui arrive toujours, à un membre de comité de lecture dans une aventure pareille. Il se dit, oui, bon, enfin, on verra, d'ici là, le roi, l'âne ou moi, nous mourrons, et il a toujours des raisons d'être poli, et de dire, ah oui, très bien, oh, charmant, oui, oh, joli vers, là, oh, mais certainement, oui, mademoiselle Rost, un joli rôle, oui, certainement, seulement, écoutez, alors, vous me remettrez le manuscrit en entier, n'est-ce pas, pour que je le lise à tête reposée. Nous appelons cela maintenant une réception à seconde lecture. Ça tourne souvent mal. Et en effet, Larocque, en possession du manuscrit, rentre chez lui, prend un certain délai et s'en tire avec une lettre à droite probablement, mais il n'y a pas de lettre à droite quand on doit dire non là où les gens espèrent un oui. Il n'y a pas moyen de s'en tirer. Racine entre dans une grande fureur et bien entendu, toujours parce que nous sommes dans des temps barbares, bien entendu, il accuse Larocque de sombres intrigues ou même de vénalité et les comédiens de n'avoir aucun goût et ne se plaire qu'au galimatias. De dépit, Racine abandonne l'hôtel de Bourgogne, l'hôtel du Marais, et se tourne alors directement vers la grande troupe, les grands comédiens, comme le dit Molière avec quelque ironie, les grands comédiens officiels de l'hôtel de Bourgogne. Et là, il va, je ne sais pas par quelle recommandation, mais enfin, il se met en rapport avec Madame Beauchat, ou Mademoiselle Beauchâteau. Nous savons, par sa correspondance, qu'il retouche la pièce, là ce sont des amours d'Ovid, qu'il les retouche et qu'il les polie selon ses indications, qu'il espère beaucoup dans son influence, et beaucoup de biographes et moi-même d'ailleurs, s'y sont trompés et ont imaginé quelque idylle entre le jeune Racine et une admirable jeune comédienne. Eh bien non, mesdames et messieurs, je ne veux pas vous rappeler encore ma comparaison avec le prix Fémina, non. Mais enfin, mademoiselle Beauchâteau avait créé l'infante du Cid 23 ans auparavant. Elle était largement plus que quadragénaire et elle avait 3 fils qui étaient presque de l'âge de Racine. Voilà la vérité. Seulement, elle devait avoir évidemment de l'expérience, sans doute, des influences aussi, mais c'était certainement beaucoup plus une protection maternelle et tutélaire qu'une collaboration que Racine espérait d'elle. Et puis, tout cela alarmait affreusement les solitaires de Port-Royal qui le voyaient enfiler, comme dit Arnolphe, tout droit le grand chemin d'enfer et de perdition. On essayait de le rappeler à l'ordre. La tante Agnès de Saint-Aigle lui envoyait des lettres incendiaires et on ne savait trop comment le rattraper. Et puis, il était bien vrai que le temps passait, que les dettes s'accumulaient. Il fallait trouver tout de même une solution. Et alors, on le décide, on fait se résigner à solliciter un bénéfice ecclésiastique. Vous savez qu'à cette époque, ce n'était pas le cloître et que la carrière littéraire et même théâtrale était pleine d'abbés plus ou moins commendataires qui avaient de bonnes rentes grâce à des bénéfices plus ou moins confortables et qui avaient donc du loisir pour pousser leur carrière littéraire. Racine donc se résigne, mais je dis bien se résigne car le bénéfice qu'on espère, il faut aller le chercher à Uzès. Et voilà donc notre pauvre jeune Racine, obligé de quitter les compagnies où il est déjà très ami avec La Fontaine et obligé de s'en aller dans ce pays lointain, sauvage presque, qu'est Uzès. Il passe toute la belle année de ses 23 ans et peut-être un peu davantage. Et hélas, Port-Royal savait bien qu'il portait en lui, encore une fois, des tendances à la bataille. Et puis au fond, il n'avait appris, même à Port-Royal, il avait vécu au milieu des polémiques des solitaires. Et Dieu sait où aurait-il appris la sérénité. Lui-même, d'ailleurs, était certainement beaucoup plus apte à réussir qu'à être heureux. Ce n'est pas la même chose. Bref. L'affaire ne s'arrangeant pas, après une trop longue attente, il revient exaspéré à la fois de déception et de contrainte, et cette fois bien déterminé à courir sa chance directement à son goût et en observant que les seuls ménagements de la diplomatie de carrière. Chapelain sait bien, il va plus haut, plus droit, il s'en va faire sa cour au duc de Saint-Aignan. Le duc de Saint-Aignan, grand ordonnateur des fêtes de la cour, c'est lui qui présidera aux fameuses fêtes de l'île enchantée dont je vais vous parler dans une seconde, à Versailles, et si bon ordonnateur des fêtes de la cour qu'il taquine un peu la muse, il y a un petit côté d'oronte dans le duc de Saint-Aignan, et qu'on l'a du coup nommé académicien très peu de temps auparavant. Et Saint-Aignan est très influent aussi, toujours dans cette question des fameuses pensions. Racine aborde Saint-Aignan avec une ode, la renommée aux muses, où il y a beaucoup d'érudition, de savoir-faire et pas encore beaucoup de personnalité. Mais enfin, il faut préparer cette promotion de largesse à ce moment-là. Obtenir une pension du roi, c'était la consécration équivalente à ce qu'est aujourd'hui pour un jeune écrivain la Légion d'honneur, une Légion d'honneur qui en outre serait lucrative. Tout s'organise maintenant autour du roi et c'est le moment où vraiment la liturgie solaire, si je puis dire, du jeune Louis XIV prend corps et prend forme et Racine y adhère autant par goût que par diplomatie. Et le voilà donc qui essaye de penser à une tragédie qu'il rapporte d'Uzès, qui est peut-être déjà très avancée. La porter à l'hôtel de Bourgogne, au grand tragédien de l'hôtel de Bourgogne, oui, bien sûr, mais, est-ce que l'hôtel de Bourgogne est vraiment très populaire à ce moment-là? C'est la pleine bataille avec Molière et c'est le moment précis, cette fin de 63, où Molière leur porte des coups qui font rire tout Paris. C'est le moment où Molière, notamment, joue l'impromptu de Versailles à Versailles et puis à la ville et obtient du roi toute licence de faire des imitations de ces fameux comédiens de l'hôtel de Bourgogne et de les tourner en ridicule. Au passage, il y avait dans le nombre mademoiselle Beauchâteau, qui était accusé par Molière de toujours sourire, même dans les situations les plus tragiques. Alors, il n'est pas très tenté, et puis tous ces comédiens de l'hôtel de Bourgogne datent du temps de la reine-mère, ils ont tous au moins 40 ou 50 ans, et puis Corneille est tout puissant, c'est pas la peine d'échapper à Port-Royal pour venir se remettre sous la coupe de Corneille, et puis Racine est déjà d'une autre génération. Et chez Molière, eh bien chez Molière, on va de l'avant, on respire un air neuf, on échappe aux anciens, Molière va dans le sens de la vie, et il se trouve au miracle que ce sens de la vie est, en ce moment du moins, le sens du roi. Alors Racine prend son temps et calcule ses atouts. Qu'est-ce que c'est que sa tragédie? Eh bien, ça s'appelle la Thébaïde ou les frères ennemis. Dans cette œuvre d'un jeune homme de 23 ans, on peut tout de même se poser des questions. Et il me semble que ces accents-là, les plus fermes, encore une fois, des cinq actes, que ces accents-là nous donnent déjà à penser qu'il gronde bien des démons dans ce jeune homme si poli. Oui, c'est vrai, Racine sera un auteur tragique parce qu'il est, dans les contrastes de ses profondeurs, un homme tragique. Et le vrai sous-titre de la Thébaïde, ce serait la Thébaïde ou les forces ennemies. Aussi bien, Boileau, vers cette époque, Boileau qui est déjà pour lui un camarade de lettres, mais pas encore un intime ami, Boileau le juge et le dessine et le circonscrit en quatre épithètes qu'on ne devrait jamais oublier quand on s'occupe de Racine. Railleur, inquiet, jaloux et voluptueux. Or, j'imagine, à cause de l'ambition passionnée de Racine et des mœurs dépravées du théâtre à cette époque, j'imagine le jeune Racine, pris d'une curiosité ardente pour cette Duparc que Corneille a courtisée en vain. Si on pouvait, comment est-elle? Si on pouvait la conquérir, si on pouvait faire enrager Corneille en prenant cette Duparc qu'il n'a pas eue. Et puis, il n'y a pas tant d'actrices dans Paris à ce moment-là, il ne faut pas croire. À l'hôtel de Bourgogne, il y a Desœillets et Beauchâteau. Elles ont plus de 40 ans l'une et l'autre. Armande est à peine à ses débuts encore. Elle n'a pas joué de rôle principal chez Molière. Il reste Madeleine Jouhémère. Il reste Catherine Debris. Et puis, cette Duparc, on dit qu'elle n'est pas bonne comédienne, qu'elle est froide. Mais c'est peut-être parce qu'on ne l'a pas fait très bien travailler. Et puis, enfin, elle est célèbre quand même à cause des vers de Corneille. Et si on faisait un rôle pour la Duparc, ça amènerait peut-être le public, par curiosité, à cause de la bien-aimée de Corneille. Voilà comment on était au théâtre à ce moment-là. Oh ! Et donc, il commence à penser un peu à la Duparc. Il lui destine ce rôle de la Thébaïde. Elle ne le jouera pas. Je vais vous le dire dans deux secondes. Pendant ce temps-là, le calendrier chez Molière est extrêmement surchargé. Début 64, on joue une bradamante du duc de Saint-Aignan, comme par hasard. Bon, on joue le mariage forcé au Louvre, divertissement, beaucoup de travail. On monte les plaisirs de l'île enchantée à Versailles, 8 jours, la princesse d'Élide, qui est une pièce en 5 actes, des à-propos, des vers, des stances, et, vous savez, les 3 premiers actes de Tartuffe, c'est-à-dire une énorme action politique. On compte sur Tartuffe tout de suite après pour alimenter le théâtre à la ville. Et vous le savez, c'est l'interdiction. On n'est pas autorisé à le jouer en public. Il y a un trou formidable dans le répertoire. Alors on presse Racine qui achève vite sa pièce. Et c'est la Thébaïde qui passera au Palais Royal à la place de Tartuffe. À peine un mois, presque un mois, jour pour jour, après l'interdiction de Tartuffe, c'est la Thébaïde qui est jouée. Et ça n'est pas Duparc, c'est Debris. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça, je ne peux pas vous dire. Peut-être que Molière, qui avait plus d'expérience que Racine, a jugé que Duparc n'était pas mûr pour le jouer un tel rôle. Peut-être que Debris, qui avait une plus grande ancienneté, s'était débattu comme un beau diable. C'était des choses qui arrivaient à ce moment-là dans les troupes de théâtre. Toujours est-il que c'est Debris qui a joué Antigone et pas Duparc, qui a dû en être un peu plus ulcéré. On joue la pièce, ça... une distribution un peu étonnante, ça n'est, j'y reviendrai aussi, ça n'est ni un succès ni un four, c'est honorable. Molière soutient bien la pièce, il la promène avec lui dans toutes les occasions extérieures où il vient avec sa troupe et où il tient à frapper de grands coups, car ce sont des occasions où il lit sa malheureuse pièce de Tartuffe à des gens très puissants et très influents. À Fontainebleau en août, à Villers-Cotterêts en septembre, en octobre à Versailles. Parallèlement, il pense à sa seconde pièce et à sa pension. Sa seconde pièce, qui s'appelle « Alexandre », eh bien, je vais un peu bouleverser l'ordre de mon programme. Je vais avancer un peu cette scène parce que notre amie Thérèse Marnet était prise par une répétition à la Comédie-Française et qu'à l'heure qu'il est, son metteur en scène, qui n'est autre que notre ami Pierre Dux, doit être en convulsion parce qu'elle n'arrive pas. Alors, je vous parlerai, d'ailleurs, quand vous l'aurez entendu, ce que je vous dirai ira de soi, car je voulais mettre en valeur la beauté décorative, l'autorité royale de Marquise Duparc et vous faire voir que très visiblement, le rôle avait été écrit pour elle en s'inspirant de personnages comme la Laodice de Nicomède et la Cornélie de la mort de Pompée, mais comme je crois bien que les deux personnages sont au répertoire de Thérèse Marnet, eh bien, quand vous aurez entendu Thérèse Marnet dans un couplet d'Axiane, vous aurez tout compris et elle pourra aller rejoindre Pierre Dux. Il faut tout de même que j'explique que la pièce ressemble beaucoup à Nicomède. Dans Nicomède, on voit Rome triomphante se heurter aux petits monarques du Proche-Orient, les uns collaborateurs et les autres indomptables. Et une belle princesse, Laodice, qui, elle, ne veut rien entendre à ses compromissions. Et ici, c'est Alexandre qui est allé beaucoup plus loin. Il est dans l'Inde et c'est la même chose. Il y a deux princes, l'un collaborateur, l'autre indomptable. Et il y a Axiane qui, elle, est en effet indomptable et dont le ton et l'apostrophe rappellent tout à fait la façon dont Cornélie parle à César dans la mort de Pompée. Donc Cornélie et Alexandre. En vain votre douleur s'arme contre ma gloire. Jamais on ne m'a vu dérober la victoire et par ces lâches soins qu'on ne peut m'imputer, tromper mes ennemis au lieu de les dompter. Quoique partout se semble accablé sous le nombre, je n'ai pu me résoudre à me cacher dans l'ombre. Ils n'ont de leur défaite accusé que mon bras. Et le jour a partout éclairé mes combats. Oui, croyez. Je crois tout. Je vous crois invincible. Mais, Seigneur, suffit-il que tout vous soit possible? Qu'ai-je fait pour venir accabler en ces lieux un héros sur qui seul j'ai pu tourner les yeux? A-t-il de votre grâce inondé les frontières? Avons-nous soulevé des nations entières et contre votre gloire excité leur courroux? Hélas, nous l'admirions sans en être jaloux. Contents de nos états, et charmés l'un de l'autre, nous attendions un sort plus heureux que le vôtre. Ne vous sentez-vous pas, Seigneur, bien malheureux d'être venu si loin rompre de si beaux nœuds? Non, de quelque douceur que se flatte votre âme, vous n'êtes qu'un tyran. Je le vois bien, madame. Vous voulez que, saisie d'un indigne courroux, en reproche honteux, j'éclate contre vous. Mon âme, malgré vous, à vous plaindre engagée, respecte le malheur où vous êtes plongé. C'est ce trouble fatal qui vous ferme les yeux, qui ne regarde en moi qu'un tyran odieux. Sans lui, vous avoueriez que le sang et les larmes n'ont pas toujours souillé la gloire de mes armes. Vous verriez... Ah, Seigneur, puis-je ne les point voir, ces vertus dont l'éclat aigrit mon désespoir? N'ai-je pas vu partout la victoire modeste perdre avec vous l'orgueil qui la rend si funeste? Ne vois-je pas le Scythe et le Perse abattus se plaire sous le joug et vanter vos vertus et disputer enfin par une aveugle envie à vos propres sujets le soin de votre vie? Mais que sert à ce cœur que vous persécutez de voir partout ailleurs adorer vos bontés? Pensez-vous que ma haine en soit moins violente pour voir baiser partout la main qui me tourmente? Tant de rois par vos soins vengés ou secourus, tant de peuples contents, me rendent-ils porus? Non, Seigneur, je vous hais d'autant plus qu'on vous aime. D'autant plus qu'il me faut vous admirer moi-même, que l'univers entier vous impose ma loi et que personne enfin ne vous hait avec moi. Alexandre est créé au Palais Royal le 4 décembre 65. Grand gala, monsieur et madame, monsieur frère du roi, madame Henriette d'Angleterre, le grand Condé, la princesse Palatine, enfin vraiment un gala. Et c'est un succès. 10 jours plus tard exactement, chez la comtesse d'Armagnac, femme de monsieur le grand, très très très puissant aussi et très proche du roi, en présence d'ailleurs du roi, et aussi de monsieur et de madame, on rejoue Alexandre. Oui, mais ce sont les tragédiens de l'hôtel de Bourgogne qui jouent Alexandre. C'est Floridor et sa troupe. Et le 18, car je pense que ce petit détour était fait pour pouvoir amener cela, le 18, la pièce est affichée à l'hôtel de Bourgogne en même temps qu'au Palais Royal. C'est un fait unique dans l'histoire du théâtre. Ça ne s'était jamais produit et ça ne s'est jamais reproduit. C'était un tour véritablement noir. J'ai essayé de vous montrer comment il est probable que Racine y a glissé. Vous trouverez dans beaucoup d'histoires littéraires qu'il a décidé cela froidement et de propos délibérés. Je ne le crois pas. Je crois que l'histoire de la rivalité des deux troupes nous éclaire à ce point de vue-là et aussi l'histoire de la bataille où se trouvait Molière à ce moment-là. En tout cas, c'est un petit scandale dans Paris. Tout Paris s'en amuse. Molière en tombe malade, la troupe s'en indigne, on supprime les droits d'auteur de Racine, et les deux hommes sont brouillés et ne se réconcilieront jamais. Ce n'est pas le seul lien de gratitude qu'à ce moment précis Racine saccage. Les messieurs de Port-Royal, dans une polémique contre un obscur auteur, mais obsédé par Racine, lance incidemment, dans un libelle que tout le monde lit bien sûr, que les poètes de théâtre sont des empoisonneurs publics. Racine se sent ou se croit visé. Il a mauvaise conscience. C'est pas moi qui dis ça. Hein? Et il riposte. Et il ne va pas riposter sur les idées, non. Il va riposter en décochant à ces pauvres solitaires de Port-Royal, à qui il devait tout, et il savait qu'il leur devait tout, qui étaient des hommes éminents, qui avaient mauvais caractère, c'est entendu, et qui en plus étaient à ce moment-là dans une position politique extrêmement périlleuse, persécutés, proscrits. Il leur décoche les railleries personnelles, les plus blessantes, les plus cruelles. Il ne leur dit pas « vous avez tort de penser comme ça », il leur dit « mais vous êtes de mauvais écrivains ». Il ne leur dit pas « vous êtes injustes pour leur théâtre », non. Il leur dit « mais personne ne vous lit ». Enfin, pour un peu, c'est un peu comme quelqu'un qui riposterait dans une discussion en disant à son adversaire « mais je ne peux pas vous parler, vous êtes trop laid ». C'est une chose tout à fait curieuse. Et ces personnages de tragédie discuteront de la même manière. C'est fait, la brouille avec Port-Royal durera très longtemps. Certainement, les gens de Port-Royal en ont souffert, les amis communs en ont souffert. C'est fait, Racine, à ce début de 66, a rompu avec sa prime jeunesse. Et, comme doit dire bientôt un de ses héros, il se livre en aveugle au transport qui l'entraîne. Nous sommes, je vous dis, au seuil de l'année 66. Dans un an, va paraître sa troisième pièce, qui, celle-là, éclatera de génie et de saignante vérité. Quant à Marquise, la prédiction de Corneille était à demi-fausse. Elle ne deviendra jamais quinquagénaire. Marquise n'a plus que 2 années à vivre, à peine, mais quelles années! À travers les orages, les élans, les jalousies, les ruptures, les reprises de cette liaison, et en même temps des répétitions quotidiennes et méthodiques, car alors il l'a fait travailler, il aura fait d'elle une actrice pathétique possédant le secret des larmes. Et par elle, et par l'orage qu'elle lui a fait traverser, il s'accomplit lui-même enfin. Une fille va naître, clandestine de leurs dramatiques amours, mais bref, petite existence qui n'a pas laissé de traces. Autrement vivant, les héros torturés et torturants de la pièce dictée par son expérience passionnée. La vraie descendance de Racine et de Duparc. Eh bien, c'est bien pourquoi, d'ailleurs, je vous ai occupé si longtemps de leur rencontre. La vraie descendance, c'est Pyrrhus, Oreste, Hermione et Andromaque. C'était les grandes conférences, les débuts du jeune Racine. 1664, la Thébaïde, par Béatrix Dussane. Conférence donnée dans le cadre de l'Université des Annales, diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 janvier 1965. Vous pourrez réécouter cette conférence en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ». «